Je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground. Qui l'a déjà ? Rôle de jeu, ou pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour et bienvenue à Ludologie, le podcast du jeu sous toutes ses formes. Aujourd'hui, je suis avec Célène. Bonjour. Et avant de parler de ce nouvel épisode, je voudrais juste vous rappeler qu'on a la campagne de l'épisode de fin d'année qui est en cours. Donc si vous voulez participer à l'épisode qui sera diffusé fin décembre et répondre à notre question « Pourquoi tu joues ?», n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, en MP, en message public, comme vous voulez. Nous, on serait très très très heureux et heureuses de vous passer la parole. Aujourd'hui, on va parler essentiellement de jeux de plateau. Pour ce sujet, on a décidé d'interroger Xavier, qui est le patron d'un bar à jeux de société qui est très très populaire à Rennes, en Bretagne, qui s'appelle L'Heure du Jeu. Bonjour Xavier. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et donc aujourd'hui, on voulait faire tourner le sujet sur autour des jeux. Est-ce qu'on peut jouer à tout avec tout le monde ? Est-ce qu'il y a des jeux qui sont faits pour tout le monde ou non ? Et donc déjà, la première question, c'est est-ce qu'on peut jouer à tout avec tout le monde, tout simplement ? La question est vaste, je dirais non. Pour faire simple, de la même façon qu'on ne peut pas rire de tout avec tout le monde, je pense qu'on ne peut pas jouer de tout avec tout le monde. Il y a des jeux qui vont évidemment structurer des choses et on peut parler de catégorie de joueurs, on peut parler également de public, on peut parler d'âge, on peut parler de société, on peut parler de... Il y a tellement de choses qui ne sont pas si universelles que ça qu'on ne peut, à mon sens, pas jouer à tout, avec tout le monde. Par contre, je suis convaincu qu'il y a un jeu pour chacun, ce qui n'est pas la même question. Est-ce que toi, dans ta pratique du coup, d'animation de ton bar à jeu, l'heure du jeu, est-ce que tu as repéré un public favorisé quelque part ? Est-ce que tu as remarqué qu'il y a des types de jeux qui marchaient en général mieux ? Lesquels et pourquoi ? Alors, dans ma pratique, elle a évolué. Ça fait 6 ans aujourd'hui que l'heure du jeu existe et que donc où je fais jouer au quotidien des dizaines de personnes. Elle a évolué. Dans un premier temps, j'avais un public effectivement assez favorisé, on va dire catégorie socio-professionnelle supérieure, voire éduquée, sortie de grandes écoles ou dans l'enseignement ou dans les métiers de l'informatique, par exemple. Ce qui est lié aussi à la sociologie de la ville de Rennes, dans laquelle je me situe. Maintenant, ce public-là, plutôt éduqué, plutôt favorisé, avait une approche du jeu de société plus intellectuelle, ou on va dire, ou en tout cas qui pouvait permettre une réflexion, qui pouvait avoir le temps et investir du temps dans cette pratique de jeu. Aujourd'hui, 6 ans après, j'ai un public beaucoup plus large. Je pense que le jeu de société aujourd'hui a meilleure presse, s'inscrit dans une dynamique un peu plus large dans la société. Et donc, on a des publics qui viennent, qui n'y connaissent rien ou pas grand-chose, qui sont d'un milieu social peut-être plus éclectique. Et on a donc des demandes parfois, comment dire, moins pointu, vraiment dans la découverte du jeu de société, de personnes qui n'ont presque jamais lancé de dés ou tenu de cartes, en tant qu'adulte, hein, ou jeune adulte. Donc on est vraiment sur des pratiques de découverte différentes. Récemment, je porte beaucoup d'attention aux commentaires ou aux messages qu'on peut laisser sur mon établissement, pour toujours dans une démarche de toujours m'améliorer ou prendre en compte les retours réels des gens, me disant qu'en plus, les gens qui laissent des retours sont une minorité. Et là, il y a quelques jours, j'ai pris un avis sur Google, je crois, assez défavorable, où le commentaire disait qu'on n'aidait pas les gens à découvrir le jeu. Et c'est une grande claque parce que c'est justement ma volonté première, en fait. Et me dire que bah, j'en fais pas assez, ou c'était pas perçu, ou c'était pas pertinent la façon dont je le faisais, ça remet en cause des choses de façon permanente, mais réelle. En me disant, bah, si ce groupe-là n'a pas su à quoi jouer ou n'a pas pu, dans un lieu comme le mien, il y a plus de 1200 jeux de société, bah, ça pose question dans la façon dans laquelle je mets le jeu au cœur d'une pratique. Donc voilà, donc c'est, pour revenir à la question, ouais, ça a évolué d'un public très favorisé d'un point de vue sociologique et culturel à aujourd'hui un public plus large, plus mixte, et donc où il faut davantage se remettre en cause et s'adapter. Et du coup, quand tu as des gens qui vont venir comme ça, qui, sans forcément avoir l'habitude de jouer, qui vont dire « je ne sais pas à quoi jouer, qu'est-ce que vous pouvez proposer ?» Quels seraient les critères, en fait, ou les éléments que tu prendrais en compte pour proposer des jeux, les questions que tu pourrais leur poser ? On a 4 questions passe-partout que mon équipe et moi posons. La première, ce n'est pas une vraie question, c'est plutôt le nombre de personnes. Ça paraît bête, mais évidemment, on ne va pas jouer à la même chose si on est 8 ou si on est 2. Le temps qu'on voudrait investir dans la partie, le niveau d'interaction entre les joueurs, est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est les uns contre les autres ? Est-ce qu'on s'en fiche du score et on cherche plutôt à passer un bon moment ? Eh ben, du coup, ça va orienter sur des jeux totalement différents. Donc, le niveau d'interaction entre les gens. Ça, c'est les questions faciles qu'on pose déjà pour élaguer une bonne partie des critères. Et puis ensuite, on va demander à quoi tu joues. Et cette question-là, elle nous permet de situer un peu le joueur sans avoir d'a priori, sans avoir de préjugés sur les gens, ce qui est toujours un peu compliqué, sur les pratiques ludiques. Et c'est là où on se rend compte que parfois, bah, le jeu, même si on a des envies de jeu, on n'a pas toujours une culture ludique. Et puis, parfois, on me dit, bah, moi, je ne joue jamais. Ou, voilà. Et puis, bah, alors, du coup, je pose une autre question. Mais est-ce que tu joues à des jeux vidéo ? Voilà. Et si on me répond oui, et ben, du coup, je vais pouvoir poser des questions aussi sur ça. Alors, j'ai une faible culture vidéoludique, c'est sûr, mais y a des jeux très, comment dire, des jeux de cartes, des jeux de rôle, des jeux qui existent en jeux vidéo, qui permettent quand même d'avoir des notions ludiques, qui permettent quand même d'avoir des approches, des, comment dire, sur ce que la personne aime. Et on part de là, de savoir, d'identifier ce qu'elle aime pour s'en rapprocher par association d'idées. Est-ce que tu as remarqué des difficultés particulières en termes d'accès, en termes d'appropriation du jeu pour un public ou pour un autre ? Oui, enfin, c'est facile de répondre oui à la question. Maintenant, il faut dire pourquoi. Mais la complexité de la règle, parfois, ou alors la complexité perçue de la règle, ou parfois ça effraie certains joueurs ou certains publics qui jouent peu en se disant je vais pas y arriver et qui se mettent dans une situation d'échec a priori. Et là, c'est terrible parce que quand des personnes se mettent en situation d'échec a priori, bah, c'est très très difficile de les faire réussir à adhérer au jeu, à passer un temps de jeu avec leur partenaire. Donc cette situation d'échec a priori, pour lutter contre, c'est pas si facile. On promeut pas mal le jeu coopératif ou le jeu sans scoring, comme les jeux de communication par exemple, ici. Ce qui permet d'avoir des moments plus conviviaux et sans agressivité ou compétition. Mais du coup, c'est ces jeux-là où on s'y a un tort et un travers parfois, quel effet leader ? Quel effet où un ou deux joueurs sur la table vont prendre toute la place et ne vont pas laisser de place pour les joueurs ou les joueuses qui, pour le coup, sont plus en retrait. Donc c'est toujours un peu compliqué aussi, il faut faire attention à ça et c'est un écueil qu'on perçoit parfois, même si l'important c'est que les gens s'amusent quand même. On est un lieu de jeu pour ça. Parmi les jeux que tu proposes, est-ce que tu as des jeux qui sont qui seraient un peu plus passe-partout ? Quelques exemples. Moi, quand j'ai préparé mes questions, je me suis dit la petite robe noire du jeu, tu sais, le truc que tu peux proposer dans toutes circonstances, ou presque. Alors, la petite robe noire du jeu. Je pense que... Alors, c'est bête, mais je pense que si elle avait existé réellement, elle serait dupliquée tout autant que l'est la petite robe noire dans le prêt-à-porter féminin. Et du coup, ça, c'est vraiment... les jeux de communication dans un lieu de vie comme le mien sont des jeux qui cartonnent et qui marchent très bien. Qu'est-ce que j'appelle un jeu de communication ? C'est un jeu dans lequel on cherche à faire deviner quelque chose ou un jeu dans lequel on cherche... Principalement, c'est ça. Ça existe depuis fort, fort, fort longtemps. Les plus anciens d'entre eux, on pourra citer le Cranium ou le Tabou, par exemple, ou le Pictionary. Voilà. Typiquement, on est dans les plus anciens d'entre eux. Par contre... Bah, du coup, il y a des nouveautés qui sortent de façon très, très régulière, qui sont tout aussi bien sur les jeux de mots, les jeux de... où on va jouer avec le sens des mots. Contrario, pour le citer, l'un des premiers, mais très récemment, Just One, par exemple, où les jeux, on va jouer sur les visuels. Par exemple, imagine un jeu d'origine japonaise qui a été traduit et édité par Cocktail Games, qui nominé à l'As d'Or en France, qui est un jeu dans lequel on va chercher à faire deviner des choses par des pictogrammes. Voilà, où on peut parler de concept également, un jeu encore basé sur les pictos et sur l'identité visuelle. Voilà, donc tout ça, c'est des jeux de communication. Et puis... On peut parler d'un jeu qui est plus basé sur l'imaginaire ou le graphisme, qui a un vrai carton mondial, qui s'appelle Dixit, évidemment, qui est indémodable, qui fête ses 10 ans cette année. 10 ans au monde du jeu de société, c'est déjà ancien. Et qui, par sa forme, permet quelque chose de façon collective et qui aujourd'hui voit des déclinaisons, voit des choses qui sont dans la même grande famille, des jeux de communication basés sur des visuels. Mais on peut parler de Mysterium qui est sorti il y a quelques années, 2-3 ans peut-être, Detective Club qui est sorti cette année, ou encore Shadow Amsterdam qui sort aussi cette année, qui sont donc voilà, des déclinaisons d'une même grande famille de jeux de communication basés sur une identité visuelle forte. Est-ce qu'il y a des jeux à ce titre qui t'ont surpris, alors que ce soit dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire des jeux que tu as sortis en disant « Oh, ça passe partout, ça va cartonner », et en fait, pas du tout, et c'était une catastrophe. Ou à l'inverse, des jeux où tu disais « Ah non, ça, c'est quand même un public particulier et ça va pas le faire », et en fait, tu te rends compte que ça le fait beaucoup plus facilement que tu l'aurais pensé. Parmi les jeux auxquels je croyais qui ont eu du mal, je vais citer Jetlag. Jetlag est un jeu de société chez Cocktail Games basé sur... c'est un jeu de quiz décalé où les réponses sont assez simples, thématiques, qui est très drôle, un peu dans la veine d'un Burger Quiz, par exemple. J'aime énormément ce jeu et je l'ai beaucoup fait jouer à tel point que j'ai pleuré presque un prototype à l'éditeur au moment où le jeu n'était pas encore sorti et que j'ai découvert le jeu. Donc j'ai fait jouer le jeu ici en amont, peut-être 6 mois avant sa sortie. Et du coup, c'est un jeu que je propose régulièrement, mais où j'ai du mal à faire jouer et à faire adhérer les gens parce que ça demande un effort intellectuel un peu particulier et les gens se mettent pour le coup en situation d'échec. Et du coup, c'est frustrant. Et je ne sais pas si en termes de vente, c'est un succès commercial. En tout cas, moi, je trouve en termes d'écriture, c'est vraiment un jeu intéressant, mais qui demande un effort intellectuel de concentration et de mémorisation. Et ça, dans un lieu ludique type bar, avec du bruit, avec une ambiance, avec peut-être un peu de boisson alcoolisée, ben, ça décroche un peu. Et je trouve ça tellement frustrant. Par contre, un jeu... Alors, je réfléchis un peu. Un jeu auquel je ne crois pas et qui fonctionne... je fais jouer des jeux que je n'aime pas. Toujours. Parce que je me dis, ben, c'est pas parce que moi j'y aime pas y jouer que les gens n'aiment pas y jouer. Je pense à des Mushkin par exemple, qui est un jeu que je trouve d'une longueur, d'une répétition, d'un manque d'intérêt terrible. Et pourtant, on me le demande presque chaque semaine, au moins une fois. Et il se vend toujours, et il se vend. Enfin voilà. Bref, il y a des choses comme ça qui me passent. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Peut-être par l'humour des cartes, du fluff sur les cartes. Le fluff, les petits textes en italique qui ne servent à rien dans le jeu, mais qui font joli et qui donnent du sens et du thème. Donc peut-être par ce fluff-là sur les cartes, bah, ça donne un intérêt au jeu. Il se plonge dans un univers. Pourquoi pas ? Moi, je trouve qu'il y a tellement mieux. Tu citais les jeux type Cranium ou après Burger Quiz, Jetlag. Ça m'a rappelé une expérience de jeu il y a quelques années où on jouait notamment avec une amie qui est parfaitement francophone mais qui est de nationalité allemande. Et on a voulu jouer aux jeux de société. On a sorti les jeux auxquels on avait l'habitude de jouer. On a sorti le Cranium. On a fini par arrêter la partie parce qu'elle pétait un plomb, parce qu'elle ne comprenait rien aux questions. Elle en comprenait le sens de traduit, mais tout le contexte autour. Malheureusement, on a voulu sortir un autre jeu. On était un peu bêtes. Hein. On a sorti Burger Quiz derrière. on y a joué 5 minutes à Burger Quiz et on s'est vite rendu compte que le problème allait être le même. Est-ce que tu vois comme ça des jeux pour lesquels la pratique de jeu va être aussi en grande partie liée à la culture des joueurs ? Je pense à ces deux-là parce que je trouve qu'ils ont justement un humour qui est assez franco-français. Ou, à contrario, est-ce que tu verrais des jeux qui seront plus facilement jouables par des gens de différentes nationalités, par exemple ? Certains jeux de communication qui sont basés notamment soit sur l'improvisation, soit sur beaucoup de textes, nécessitent un bagage culturel partagé et nécessitent une culture commune. C'est évident. Et la langue suffit pas à faire culture. Je prends un exemple avec des jeux de communication. Moi, je pense à Taggle, par exemple, ou Cards Against Humanity et tous ses dérivés. En langue française, ils existent au Québec et en France, et pourtant, ce n'est pas les mêmes. L'hostile jeu, ouais, tout à fait, en dérivé de Cards Against Humanity au Canada, enfin au Québec francophone, pardon. Et du coup, on est là sur des jeux qui sont pas jouables de part et d'autre de l'Atlantique, alors qu'on est sur une langue commune. Parce que le bagage culturel, parce que la compréhension des expressions, parce que les personnalités qu'on peut mettre en jeu également, qui sont liées aux médias, à la télé, à la musique ou au cinéma, ne sont pas partagées. Même si, évidemment, la musique nord-américaine ou Hollywood écrase de façon massive les cultures mondiales, il reste quand même, heureusement, des parts nationales, voire des parts régionales, parfois, qui sont, pour le coup, pas partagé et qui forme un bagage culturel. J'ai parlé de jeux d'improvisation tout à l'heure. Il y a un jeu un peu ancien aussi qui a beaucoup marché en son temps. Petit meurtre et fait divers. Ouais, je l'ai sorti sur la table pour m'aider en rappel. Mais Petit meurtre et fait divers qui, là aussi, met des contextes qui ne sont pas forcément utiles dans le jeu, mais met des contextes en place, des faits divers en place qui sont hyper culturel. La baguette de pain volée dans la boulangerie à Montmartre, ça ne parlera à personne. Enfin, à part, évidemment, un public franco-français. Et quand je dis franco-français, je ne dis pas francophone. Parce qu'il faut bien faire attention à... Je parle la langue, je suis locuteur d'une langue et j'ai une culture. Le premier pays francophone au monde n'est pas la France. Ça reste le Congo. Hein, d'accord ? Il faut juste se dire ça aussi. Dans les autres exemples, parce que je suis une très très très grande fan de Petits meurtres et faits divers, c'est on a poussé mémé dans les orties. Hein, voilà, faut expliquer cette expression. J'ai commencé ce jeu avec cette enquête-là, c'était merveilleux et je pense qu'on a fait partie de ceux qui ont ruiné ton jeu ici, hein, parce qu'on a dû y jouer 3 fois par semaine pendant 6 mois. Il y a ta pratique dans ton bar, mais tu vas aussi animer des jeux ailleurs parfois. Est-ce que tu rencontres du coup un public différent auquel tu dois présenter d'autres jeux ? Comment ça se passe finalement ? Quels sont les décalages en termes de jeux que tu peux observer avec d'autres publics ? Alors effectivement, je me déplace en festival de jeux. Notamment, alors beaucoup de festivals francophones, le Festival international des Jeux de Cannes, qui n'a d'international presque que le nom parce qu'il est essentiellement francophone, avec des éditeurs suisses, belges, canadiens et français, mais mais essentiellement francophone. Après, il y a le Festival des Jeux de Essen, en Allemagne, qui là, pour le coup, il y a plus de 80 nationalités. On dépasse largement le cadre de la francophonie et on touche, il y a 190 000 visiteurs en 4 jours. Donc, c'est vraiment un public massif. Et là, pour le coup, effectivement, on va percevoir des décalages culturels et on va percevoir des choses, des environnements qui sont très différents. Mais on va aussi percevoir des jeux qui sont, pour le coup, universels ou qui sont pensés pour permettre une forme d'universalité et permettre une forme de... on peut jouer, pour le coup, avec un grand nombre de joueurs qui n'ont pas forcément une langue en commun ou qui n'ont pas forcément des réflexes culturels. J'en ai pas là sur ma table, mais il y a vraiment des jeux qui l'industrie du jeu de société aujourd'hui est multinationale et internationale. Et il y a des jeux, une partie des éditeurs francophones, une partie des éditeurs mondiaux font ce qu'on appelle de la localisation. Ils importent des succès de jeux étrangers qui traduisent et en font des succès dans leur pays réciproque. Et cette pratique-là, elle est vraiment massive. L'industrie du jeu de société aujourd'hui est universelle. Ou en tout cas, cette vocation-là. Après, c'est toujours pareil. Tous les jeux ne s'y prêtent pas toujours, mais une large part, clairement, dans cette forme-là. Et des succès européens sont souvent des succès nord-américains et ou asiatiques. Il reste deux continents dans lesquels le jeu de société aujourd'hui est sous-représenté, l'Amérique du Sud et l'Afrique, qui aujourd'hui ont globalement peu de culture ludique, même si ça évolue. En Amérique du Sud, là, récemment, il y a des éditeurs brésiliens, argentins, qui mettent en place une distribution. C'est très compliqué parce que, même si, voilà, sans vouloir faire de politique économique, le libre-échange a permis beaucoup de choses, mais en gros, importer des jeux quand on est sud-américain coûte extrêmement cher. Et donc, du coup, seule une classe aisée peut se le permettre, une classe éduquée et aisée financièrement. Du coup, ça reste une pratique marginale. Et pour le coup, je ne suis jamais allé en festival là-bas, mais je connais bien Roberto Fraga, qui est un auteur international et qui revient du Brésil à Rio, où il me disait que là-bas, bah, c'était vraiment la classe très éduquée qui va en festival de jeux et qui s'autorise à jouer en tant qu'adulte. Au niveau là, des types de jeux, par nationalité, je ne sais pas, mais en fait, il me vient l'expression, je pensais au jeu Ricochet Robot. Moi, les premières fois où on m'en a parlé, on m'a dit, ah, mais ça, tu vas voir, c'est un jeu, c'est un jeu allemand. C'est typique. Alors, je ne vois pas. Alors, c'est le pire, si, c'est que je vois, je ne saurais pas vraiment définir, je comprends pourquoi on me l'a présenté comme ça. Est-ce que tu verrais des typologies de jeux par rapport à certaines sphères culturelles ? Je suis assez récent dans le monde du jeu de société. Ma pratique remonte à une dizaine d'années. Et effectivement, surtout à cette époque-là, on me parlait de jeux à l'allemande. De jeux plutôt francophones, de jeux plutôt nord-américains, l'américain trash, avec des règles simples, avec un thématique forte, avec un hasard important et une durée de partie parfois longue aussi, Zombicide par exemple, voilà, thématique forte, hein, mais une part d'hasard importante. À l'inverse d'un jeu à l'allemande où on va gérer des exploitations, gérer des ressources, calculer les meilleurs coups possibles sur 4 tours à l'avance, où il n'y a pas de place au hasard ou presque pas. L'un des premiers d'entre eux, je pense le plus grand succès, ça va être Agricola dans cette gamme-là, ou Caylus. Bon, ben là, la part du hasard, elle est réduite au strict minimum. Et voilà. Donc, effectivement, on peut parler d'école. Cependant, aujourd'hui, on peut remettre en cause ce modèle-là et se dire que, notamment, en ce moment, cette semaine même, se tient la Tokyo Game Fair, où, pour le coup, pas mal d'éditeurs et d'auteurs français ou francophones sont présents au marché du jeu japonais. Qui a lieu 2 fois par an pour chercher les succès du futur européen. Parce qu'ils sont convaincus qu'il y a des passerelles entre ce marché-là et Love Letter, par exemple, qui a un succès, qui a été un succès au moment de sa sortie. C'est un jeu japonais à l'origine. Voilà, un jeu minimaliste et qui correspond à une façon de faire les jeux là-bas. Alors, il se trouve que vraiment l'industrie du jeu au Japon est structurée de façon très différente, n'a rien à voir avec la structure européenne, avec des micro-éditions, avec des auteurs qui s'auto-éditent et qui vendent eux-mêmes leurs micro-séries. On est vraiment sur des jeux comme ça très particuliers. Par contre, si on parle du marché nord-coréen, là, le marché nord-coréen, on pourrait très très bien dire que c'est un marché européen, avec des similarités, avec des acteurs qui sont communs à Happy Baobab, qui est un éditeur coréen, à des antennes en Europe et des personnels en Europe. Et des passerelles entre les jeux qui sortent de façon simultanée. Donc on est vraiment, on pourrait dire que la Corée du Sud est un pays européen en termes de jeux. Donc c'est, alors que bah, c'est quand même à l'autre bout du monde, quoi. Est-ce que tu as des exemples de bonnes pratiques en termes de design, en termes de game design au sein d'un jeu, ou à l'inverse, des anecdotes de catastrophes de design qui, du coup, soit desservent le propos du jeu par rapport à son public, enfin... Alors, des bonnes pratiques, elles sont nombreuses. On parle d'accessibilité, on parle de culture, mais on peut parler aussi de handicap. Une large part, enfin pas une large part, mais le daltonisme, par exemple, c'est quelque chose, quand on est éditeur de jeu ou qu'on conçoit des graphismes, on doit prendre en compte que presque un homme sur 10 est daltonien, ce qui est conséquent, et du coup ne peut pas différencier certaines couleurs. Alors il y a plusieurs formes en plus, enfin c'est complexe, hein, mais effectivement, et puis droitier-gaucher. Alors c'est bête, mais quand on tient des cartes et que l'icône n'est rappelée qu'en haut à droite et qu'on est gaucher, on tient donc ces cartes à l'envers, on ne peut donc pas voir quelle carte on a en main. Eh ben oui, c'est bête, mais c'est des bonnes pratiques à prendre en compte. Et quand on design un jeu, enfin, ben, ouais, c'est pour ça que souvent dans les jeux de cartes modernes, ben, l'icône qui représente la carte est rappelée aussi bien à droite qu'à gauche, afin de pouvoir tenir les cartes de droite à gauche ou de gauche à droite. C'est voilà, ça paraît anecdotique, mais si on exclut tous les gauchers et tous les daltoniens de jeu, ben, à un moment donné, on exclut trop de monde. Et c'est pas, on parlait d'universalité du jeu, ben là, voilà. On peut parler aussi de jeu qui, dans sa forme graphique, a pu commettre des bourdes, peut-être par négligence. Mais j'ai le souvenir d'un jeu qui s'appelle Okiya. Alors, le thème du Japon, les jeux japonisants, je ne sais pas pourquoi, inspirent de façon très large les éditeurs européens. Et donc, ils sortent des centaines de jeux qui portent des noms alambiqués en japonais. Alors, j'ai rien contre la langue japonaise, hein, je la parle pas. Et donc, Okiya fait partie de ces jeux-là. Okiya est un jeu d'alignement à deux joueurs de type Morpion puissance 4. Voilà, c'est un très bon jeu par ailleurs, mais édité, illustré, et dont le game designer est français. Ce sont trois personnes différentes, hein, au demeurant. Le jeu nous situe au Japon, nous parle de geisha qu'on va devoir aligner dans un jardin impérial japonais. Et la robe que porte notre japonaise est une robe chinoise. C'est ballot. Je ne l'avais jamais remarqué, n'étant pas particulièrement féru de mode chinoise et japonaise. Pour moi, c'était une geisha. Mais en fait, non, c'est pas un kimono qu'elle porte, pas du tout. C'est une robe fourreau chinoise traditionnelle. Et c'est une joueuse japonaise, pour le coup, dans mon bar, qui m'a fait remarquer l'énorme bourde raciste qui est sur la couverture du jeu, en me disant mais c'est nier la différence entre nos peuples qui sont pourtant, comment dire, de rivalité traditionnelle, de mettre une robe chinoise sur une geisha japonaise. Ben ouais. Le jeu a été réédité récemment par un éditeur. parce que c'est un vrai succès hein, en Europe, c'est un bon jeu. Le jeu a été réédité et j'ai porté la question sur les réseaux sociaux en disant « Est-ce que vous allez en profiter pour virer le Kipao de la Jagaïcha ?» Et l'auteur du jeu m'a répondu en disant « Mais non, mais pourquoi ?» Ça veut dire que plusieurs années, au moins 5-6 ans après la sortie du jeu, aucun d'entre eux ne s'était rendu compte de la bourde qu'ils avaient commise. Et donc j'ai expliqué l'anecdote vécue dans mon bar en disant bah, « Voilà, et ça a été considéré. » Alors que moi, je connais l'auteur un petit peu, je connais l'éditeur, et je sais très bien que ce n'est pas une volonté du tout de forme de racisme. Et puis, au final, bah, voilà, ils ont réédité le jeu avec les mêmes graphismes et avec la même bourde. Tu évoquais tout à l'heure les adaptations culturelles des jeux. Bon, j'ai un exemple en tête, parce qu'on préparait l'émission, tu nous as parlé des adaptations de Dixit, notamment, qui est le gros succès que tu évoquais plus tôt. Est-ce que tu as des exemples voilà, d'adaptations culturelles de jeux, et est-ce que tu y verrais des types d'adaptations qu'on peut apporter aux jeux en général ? Dixit a 10 ans et peut-être qu'à l'époque, le marché était moins mature et moins universel. Les deux premières boîtes, Dixit et Dixit Odyssey, sont sorties uniquement en Europe et n'ont pas franchi l'Atlantique. La première boîte qui a franchi l'Atlantique, c'est Dixit Journée. Dixit Journée, qui est donc l'auteur est français, l'illustrateur est français, Xavier Collette. L'éditeur est français, il est sur Poitiers. Et le distributeur du jeu est français aussi, Asmodée, qui a ses antennes aux États-Unis, qui perçoit le succès du jeu en Europe et se dit « Ce jeu doit cartonner aux États-Unis, il n'y a pas de raison qu'il ne marche pas. » Du coup, il commande une version pour le marché nord-américain. Ils adaptent certaines choses, notamment le plateau de jeu. Ils virent les petits lapins qui pensent peut-être trop culturels, pour mettre des pions en plastique en forme de pion. Les petits lapins ne servent à rien dans le jeu, hein, pardon pour les auditeurs, mais on est vraiment sur des pions qui permettent de compter les points. Et puis, ils commandent des illustrations spécifiques pour le marché nord-américain, avec des références aux monuments nord-américains, le Mont Rushmore par exemple, avec des références à la culture nord-américaine ou... je pense par exemple à l'opposition noire-blanche, avec vraiment des cartes qui sont dans cette veine-là, ou des thématiques sur les Indiens, enfin le peuple nord-américain natif. Donc voilà, on est sur des choses culturelles, clairement, faites pour le marché nord-américain. Le jeu sort. Évidemment, rencontre son public des États-Unis. Et la boîte, l'année suivante, sort en version extension, uniquement avec les cartes, sur le marché européen. Et marche très bien tout aussi, parce que les cartes sont toujours très bien illustrées, sont belles, répondent aux choses. Et pour le coup, je pense que, alors, avec le recul, je ne sais pas, j'en ai jamais parlé avec l'éditeur, ce serait une discussion intéressante, mais. La réflexion qu'ils ont eue pour se dire il va falloir adapter ce jeu culturellement à une population nord-américaine pour qu'elle leur parle ne va peut-être pas trop loin. Et aujourd'hui, les cartes qui sortent aujourd'hui, elles marchent tout aussi bien, quel que soit le public, quels que soient les pays, et y compris en Chine où le jeu est un succès et il n'y a pas eu de boîte faite pour le marché chinois. C'est les mêmes que pour le marché européen ou nord-américain aujourd'hui. Donc cette volonté-là, il y a... peut-être 8 ans maintenant, d'avoir sorti une boîte spécialement conçue. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, l'éditeur ne prendrait pas la même démarche et ne ferait pas les mêmes choix de dire que ce jeu, Dixit, est un jeu culturel qui ne peut pas franchir les barrières culturelles, pour le coup. Et je pense qu'au contraire, ce jeu est totalement adapté et peut être joué quelle que soit la culture des joueurs. Évidemment, quand on mélange des cultures autour d'une même table, on va arriver parfois à des méprises ou des sens qui ne sont pas compris par partagés. C'est légitime et c'est logique. Mais au sein d'une table partageant les mêmes cultures, il n'y a pas de souci, le jeu marche et peut-être partagé. juste pour rapporter les rapports d'expérience, moi, Dixit, j'ai eu l'occasion d'y jouer avec justement des gens d'autres nationalités où, en plus, on ne parlait pas tous français. Ça se croisait entre des gens qui parlaient que espagnol. Donc, on s'arrangeait juste ce moment clé où on traduisait le mot et on s'assurait que tout le monde l'avait compris. Et puis après, on pouvait jouer. Et c'est vrai que c'est le jeu qu'on a trouvé le plus simple à jouer avec des gens qui n'ont pas forcément le même bagage parce que les dessins sont évocateurs, en fait. Alors, je reprends juste le jeu. Souvent, les gens jouent avec un mot commun, un mot-clé auquel chacun devra trouver une carte dans sa main qui permet de l'illustrer. Mais pour moi, jouer comme ça est réducteur et ne permet pas forcément de voir toute la dimension du jeu. On peut dire bien plus qu'un seul mot. On peut évoquer une chanson, un film, un personnage imaginaire ou réel, énoncer des vers, énoncer un... Enfin, vraiment, on peut jouer de façon culturelle bien plus large. On peut citer des références culturelles et qui, là, pour le coup, si on joue comme ça, avec toute cette dimension-là, bah, il est plus compliqué encore et il est plus excluant quand on ne partage pas la même culture. C'est évident. Maintenant, jouez-y comme ça, et pas uniquement avec un mot-clé, un mot-thème, et ben, ça ouvre des perspectives différentes et ça renouvelle le jeu. Merci, j'essayerai, parce que j'y avais jamais joué autrement qu'avec juste un ou deux mots. Est-ce que, alors on avait parlé de la différence gaucher-droitier, de la différence par rapport au daltonien, est-ce que tu as remarqué d'autres formes d'accessibilité par rapport à des handicaps invisibles? Je pense à des questions de santé mentale, mais aussi de cognition, comme l'autisme. Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait parfois des gens qui pouvaient être exclus d'une table suite à une de ces différences, ou une différence de... on pourrait dire de sous-culture, pas en termes de hiérarchisation, mais en termes de prégnance dans la société, quoi. Quelqu'un qui est, par exemple, une table, je sais pas, de métalleux, et puis t'as une personne qui est pas métalleuse à l'intérieur et qui est larguée sur les références, ou j'en sais rien, je donne un exemple au pif, mais... Sur la notion de handicap, il y a énormément de choses à faire. Dans le monde du jeu, c'est, encore une fois, c'est un monde qui n'est pas forcément très mature, qui est moderne dans son industrialisation et dans son, dans son essor dans la culture, dans la société. Il y a des choses qui sont faites, notamment par rapport à la langue des signes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de festivals qui cherchent à recruter des bénévoles qui signent pour les personnes qui ne parlent pas. On est vraiment sur l'accessibilité, le fait qu'on va pouvoir jouer, notamment à Dixit par exemple, sans parler, puisque, enfin, si, mais pas à l'oral, puisque c'est une forme de communication aussi. On peut parler aussi des problèmes que rencontrent des personnes non ou malvoyantes. Il y a une association nationale qui s'appelle Accessi-Jeux, qui est basée sur Paris, qui tient notamment une ludothèque et qui met en place des adaptations de jeux de société. Si je peux citer un autre podcast, Xavier Méran, qui est le président fondateur de l'association Accessi-Jeux, a été interviewé récemment par Proxy-Jeux. Et donc, il y a une longue interview sur la naissance et les objectifs de l'association. Sur l'accessibilité aux personnes déficientes visuelles, il y a des choses à faire qui sont simples et qui permettent de ne pas dégrader le jeu et de jouer tout aussi bien entre personnes valides et non valides avec des déficiences de cet ordre-là. Ça, c'est des exemples que j'ai en tête et qui, pour le coup, nous, dans les festivals et dans les bars à jeux, il y a des choses qui sont mises en place pour ces publics-là. Grâce à ces associations-là qui font le travail de poil à gratter en disant « Eh, nous oubliez pas, parce qu'on existe et on a envie de jouer. » Et qu'aujourd'hui, on est déjà exclu de façon massive d'un certain nombre de médias, de pratiques culturelles. Les plus que nous voyons, en musée, au cinéma, c'est compliqué. En bibliothèque, c'est compliqué. Enfin, il y a une infime... Xavier Méran le dit dans son podcast, mais il y a une infime partie de personnes qui lisent le braille. C'est vraiment de marginal et donc du coup le jeu peut-être peut avoir cette dimension là en termes d'autres tu parlais de sous-culture, tu parlais de choses. Là, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête spontanément, j'avoue. Il est évident que parfois, partager un bagage culturel commun permet de jouer. Je pense que néanmoins, quand les gens font un peu d'efforts, ils peuvent franchir des barrières qui paraissent importantes. On peut cependant regretter parfois alors, que le jeu n'ait pas encore cette dimension universelle et massive dans la société. Aujourd'hui, globalement, le joueur, même s'il est joueur et joueuse, il est quand même massivement, on l'a dit tout à l'heure, éduqué, massivement plutôt riche, massivement blanc. Et ça, on peut le regretter aujourd'hui. Dans quelle mesure cette ouverture-là, je pense notamment dans des bassins de population mixtes, aujourd'hui, le travail, est-ce qu'il est vraiment fait? Et dans quelle mesure il est fait? Dans quelle mesure les fêtes du jeu s'ouvrent à une diversité culturelle? Dans quelle mesure le travail dans les quartiers sur le jeu est mené? Pour le coup, c'est facile de porter ce propos-là, parce que j'y vais pas. Donc c'est facile pour moi. Je pense que là, il y a beaucoup de travail encore à faire. T'as en partie répondu à la question que j'avais ensuite, mais tu verrais le jeu comme un médium pour faire tomber quelques barrières culturelles ? Pour moi, la première vocation du jeu est de divertir, de faire jouer, de partager un moment hors du temps, hors des problématiques communes ou individuelles. On est vraiment dans un loisir de la futilité. Et pour moi, la futilité, le fait que jouer ne serve à rien, est une dimension caractéristique du jeu. Du coup, forcément, c'est excluant. Parce que les populations pardon, qui aujourd'hui cherchent à vivre, voire à survivre, qui cherchent à s'éloigner de la misère ou de la guerre, bah, je comprends à un moment donné que cette dimension de futilité, bah, ce n'est pas dans leur quotidien, quoi. C'est évident, et ces barrières-là, elles sont complexes à lever. Elles sont parce que bah, c'est logique, enfin, c'est structurel. Par contre, je défends aussi cette futilité nécessaire au point où le jeu éducatif, le serious game par exemple, ou le jeu qui va promouvoir des choses, je m'en méfie. Et je me dis, attention, dans quelle mesure ça reste du jeu ou un outil au service de la pédagogie, un outil au service de la déconstruction de certaines pensées. Voilà. Est-ce que ça reste un jeu ? Et pour moi, vraiment, la futilité est une dimension, une définition nécessaire du jeu et de sa pratique. Tu étais allé notamment à la convention animée bénévolement du jeu Le Plateau. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui t'avait marqué pour rappel, donc, la convention, donc festival de jeux de rôle dans un centre LGBT? Est-ce qu'il y avait des différences en termes de sous-culture là aussi? Est-ce qu'en termes de public, il y avait des précautions à prendre, des retours aussi qui t'avaient peut-être fait prendre un certain recul sur la pratique? À double titre, oui. Dans un premier temps, les jeux que j'avais apportés, notamment énormément de jeux, pour le coup, de communication, puisque je sais que c'est d'expérience les jeux qui marchent le plus facilement. Pour le coup, certains jeux à identité cachée ou certains jeux excluants, dans lesquels il va falloir éliminer des joueurs ou des joueuses, j'avais perçu des gênes parfois où j'avais pu percevoir un malaise s'installer auprès de certaines personnes qui étaient là autour des tables, d'une part. Et quelque chose que je n'avais pas anticipé et pas perçu précédemment comme potentiellement malaisant. Et puis les précautions d'usage, oui, bien sûr. C'est évident, les questions de genre qui sont propres à chacun et à chacune, où là, pour le coup, l'usage de pronoms, qui est toujours parfois pas problématique, mais qui pose question. Et pour le coup, quand on est habitué à un public, comment dire, facile et identique à soi-même, on ne se pose pas de questions, en fait. Et ne pas poser de questions, eh ben, c'est toujours dommageable. De la même façon qu'à l'instant, je parlais d'accessi-jeu et d'accessibilité pour les personnes déficientes visuelles ou pour en langage de signes ou encore les daltoniens et les gauchers, eh ben, évidemment, les personnes, quelle que soit leur identité, doivent pouvoir accéder au jeu en, comment dire, sans préjugés d'une part et sans que l'animateur ou l'animatrice qui véhicule les promos de jeu soit lui-même porteur de préjugés ou de stéréotypes, parce que ça devient compliqué de mettre en place des passerelles culturelles entre du coup les personnes. C'est évident que ce questionnement-là était bénéfique et j'étais très content vraiment et de l'invitation les deux années où j'ai pu participer à cet événement et vraiment j'encourage chacun à faire la promotion. Je vais prendre un autre exemple, mais je sais qu'il y a une association, Le Refuge, qui m'avait contacté aussi pour faire un don de jeu pour leur foyer d'accueil. Ça me semblait évident que ces moments de futilité-là peuvent permettre des bulles, des respirations. Le Refuge, on est sur une association d'accueil aux jeunes notamment qui sont renvoyés ou exclus de chez eux du fait de leur orientation sexuelle ou de leur genre. Merci Xavier pour avoir répondu à nos questions avant de poser notre question traditionnelle de fin d'épisode. Je voudrais rappeler du coup ce que je disais en début d'émission. On a un épisode spécial, c'est la première fois qu'on le fait. On veut vous donner la parole. S'il vous plaît, contactez-nous, pitié, et répondez à notre super question de pourquoi tu joues. C'est un brin désespéré, mais voilà, c'est un projet avec Célène qu'on avait vraiment envie de mettre en place et de donner un peu la parole aux auditeurs et auditrices. Xavier, on a une question de fin d'épisode, on pose la même à chaque saison à nos invités. Et là, on est parti sur une question assez simple, c'est est-ce que tu peux nous raconter une expérience de jeu marquante ? Non, je me suis plantée, désolée. Ça, c'était la saison précédente. La question de cette saison, cette fois-ci, c'est est-ce qu'il y a une expérience... c'est justement, est-ce que tu peux nous raconter ta première expérience de jeu ? Ma première expérience de jeu, je vais devoir poser des questions sur la question. Est-ce qu'on parle de jeu tout court ? Est-ce qu'on parle de jeu de société moderne ? Est-ce qu'on parle de... Comme pour toutes les questions qu'on pose, la subjectivité est totalement assumée. Ma première expérience de jeu de société, alors qui n'est pas vraiment ma première, je pense, mais qui est la plus marquante et qui m'a... fait prendre conscience de quelque chose. Je devais avoir 9 ans. On était au camping avec mon petit frère et mes parents. On jouait à Tabou, un jeu de communication. On cherche à faire deviner des choses. On riait tellement fort. Il était tard. Les voisins de camping sont venus nous voir en nous disant que maintenant, ça suffisait, qu'il fallait arrêter de jouer. C'était un moment partagé, un moment ludique, un moment vraiment qui m'a marqué et qui m'a fait dire que jouer, c'était vraiment bien. Merci pour ce l'heure du jeu Origins. Alors, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés pour encore une autre émission de Ludologie. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur les réseaux sociaux, à partager ou à mettre des étoiles sur iTunes. Ce sont autant de petites choses qui permettent à Ludologie de continuer à vivre et d'être un peu plus visible. Merci à tous et à toutes et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et surtout... n'oubliez pas, jouez à tout ce que vous voulez, comme vous voulez, avec qui vous voulez.